Le 28 juin, lors du séminaire ouvert du Conseil de sécurité de l'ONU sur la non-prolifération des armes d'extermination massive, la délégation de la République populaire démocratique de Corée a réaffirmé sa position de principe. En voici le résumé. À l'heure actuelle, la péninsule coréenne court le danger de guerre nucléaire à cause de la politique d'hostilité anachronique des États-Unis contre la Corée et de leurs manœuvres de provocation de guerre. Donc, le renforcement de nos armements nucléaires et l'exercice de la souveraineté tout à fait juste pour déjouer les menaces de guerre nucléaire et sanctions et pressions sans précédent des États-Unis, sauvegarder la paix et la sécurité de la péninsule coréenne et de la région et réaliser la justice internationale authentique. Pourtant, les États-Unis prétendent qu'il ne faut permettre aucun essai ni lancement portant les termes nucléaires ou balistiques aux autres pays, alors qu'ils s'attachent à l'augmentation des armements, sans parler de la modernisation des armes nucléaires, en vue de monopoliser à jamais les systèmes d'armement les plus perfectionnés dans le monde. C'est le paroxysme de leur arrogance impudente, arbitraire et double norme. Notre République renforcera par tous les moyens sa capacité de défense nationale autodéfensive à partir de la dissuasion nucléaire pour mettre un terme une fois pour toutes à la menace et au chantage nucléaire de plus en plus téméraire des États-Unis et sauvegarder la paix et la sécurité de la péninsule coréenne et du reste du monde.